Exercice 2, page 151. A. J'aime les gens. B. Je l'achète. C. Tu prends la beige. D. Il faut le bouger. E. C'est sa cachette.